Épilogue 4. Ce que fait Pitoune et Louis trouvés dans le fauteuil de tante Angélique. On n'a pas oublié que c'était le lendemain qu'avait lieu à la criée la vente de la ferme de Billot et du château du comte de Charny. On se souvient encore que la ferme était mise à prix à la somme de 400 000 francs et le château à celle de 600 000 francs en assignat. Le lendemain venu, M. de Lompré acheta, pour un acquéreur inconnu, les deux lots moyennant la somme de 1350 louis d'or, c'est-à-dire 1 242 000 francs en assignat. Il paya comptant. Cela se passait le dimanche, veille du jour où devait avoir lieu le mariage de Catherine et de Pitou. Ce dimanche-là, Catherine, de grand matin, était partie pour Aramon, soit qu'elle eût quelques dispositions de coquetterie à faire, comme en ont les femmes les plus simples la veille d'un mariage, soit qu'elle ne voulut pas demeurer à la ville pendant qu'on y vendait à la criée cette belle ferme où s'était écoulée sa jeunesse, où elle avait été si heureuse, où elle avait tant souffert. Ce qui faisait que le lendemain, à 11 heures, toute cette foule rassemblée devant la porte de la mairie plaignait et louait si fort Pitou d'avoir épousé une fille si complètement ruinée, laquelle, par-dessus le marché, avait un enfant qui devait être un jour plus riche qu'elle, était encore plus ruinée qu'elle. Pendant ce temps, M. de Lompré demandait, selon l'usage à Pitou, « Citoyen Pierre-Ange Pitou, prenez-vous pour votre femme la citoyenne Anne-Catherine Billot ?» Et à Catherine Billot, « Citoyenne Anne-Catherine Billot, prenez-vous pour votre époux le citoyen Pierre-Ange Pitou ?» Et tous deux répondirent « Oui ». Alors, quand tous deux eurent répondu « Oui », Pitou d'une voix pleine d'émotion, Catherine d'une voix pleine de sérénité, quand M. de Lompré proclamait au nom de la loi que les deux jeunes gens étaient unis en mariage, il fit signe au petit Isidore de venir lui parler. Le petit Isidore, posé sur le bureau du maire, alla droit à lui. « Mon enfant, lui dit M. de Lompré, voici les papiers que vous remettrez à votre maman Catherine lorsque votre papa Pitou l'aura reconduite chez elle. « Oui, monsieur, dit l'enfant. Et il prit les deux papiers dans sa petite main. Tout était fini. Seulement, au grand étonnement des assistants, Pitou tira de sa poche 5 louis d'or et les remettant en mer. « Pour les pauvres, monsieur le maire, dit-il. Catherine sourit. « Nous sommes donc riches ? » demanda-t-elle. « On est riche quand on est heureux, Catherine, » répondit Pitou. « Et vous venez de faire de moi l'homme le plus riche de la terre. » Et il lui offrit son bras, sur lequel s'appuya tendrement la jeune femme. En sortant, on trouva toute cette foule que nous avons dit à la porte de la mairie. Elle salua les deux époux par d'unanime acclamation. Pitou remercia ses amis et donna force poignée de main. Catherine salua ses amis et distribua force signe de tête. Pendant ce temps, Pitou tournait à droite. « Où allez-vous donc, mon ami ?» demanda Catherine. « En effet, si Pitou retournait à Ramon, il devait prendre à gauche par le parc. S'il rentrait dans la maison de tante Angélique, il devait suivre tout droit par la place du château. Où allait-il donc en descendant vers la place de la Fontaine ?» C'est ce que lui demandait Catherine. « Venez, ma bien-aimée Catherine, » dit Pitou. « Je vous mène visiter un endroit que vous serez bien aise de revoir. » Catherine se laissa conduire. « Où vont-ils donc ?» demandaient ceux qui les regardaient aller. Pitou traversa la place de la Fontaine sans s'y arrêter, prit la rue de Lormay et, arrivé à l'extrémité, tourna par cette petite ruelle où, 6 ans auparavant, il avait rencontré Catherine sur son âne le jour que, chassé par sa tante Angélique, il ne savait à qui demander l'hospitalité. « Nous n'allons pas à Pisseleu, j'espère ?» demanda Catherine en arrêtant son mari. « Venez toujours, Catherine, » dit Pitou. Catherine poussa un soupir, suivit la petite ruelle et déboucha dans la plaine. Au bout de 10 minutes de marche, elle était arrivée sur le petit pont où Pitou l'avait trouvé évanoui le soir du départ d'Isidore pour Paris. Là, elle s'arrêta. « Pitou, je n'irai pas plus loin. »« Oh, mademoiselle Catherine, » dit Pitou, « jusqu'au saule creux seulement. » C'était le sol où Pitou venait chercher les lettres d'Isidore. Catherine poussa un soupir et continua son chemin. Arrivée au sol, « Retournons, je vous en supplie. » Mais Pitou, en posant la main sur le bras de la jeune fille, « Encore 20 pas, mademoiselle Catherine, je ne vous demande que cela. »« Ah, Pitou !» murmura Catherine, d'un ton de reproche si douloureux que Pitou s'arrêta à son tour. « Oh, mademoiselle, » dit-il, « et moi qui croyais vous rendre si heureuse ?» « Vous croyez me rendre heureuse, Pitou, en me faisant revoir une ferme où j'étais élevée, qui appartenue à mes parents, qui devait m'appartenir et qui, vendue hier, appartient maintenant à un étranger dont je ne sais pas même le nom ?»« Mademoiselle Catherine, encore 20 pas, je ne vous demande que cela. » En effet, ses 20 pas, en tournant l'angle d'un mur, démasquait la grande porte de la ferme. Sur la grande porte de la ferme étaient groupés tous les anciens journaliers, garçons de charrue, garçons d'écurie, filles de ferme, le père Cloïs en tête. Chacun tenait un bouquet à la main. « Ah, je comprends, » dit Catherine, avant que le nouveau propriétaire soit arrivé. « Vous avez voulu m'amener une dernière fois ici, pour que tous ces anciens serviteurs me fassent leurs adieux. Merci, Pitou. » Et en quittant le bras de son mari et la main du petit Isidore, elle alla au-devant de ces braves gens qui l'entourèrent et l'entraînèrent dans la grande salle de la ferme. Pitou prit le petit Isidore entre ses bras, l'enfant tenait toujours les deux papiers dans sa main, et suivit Catherine. La jeune femme était assise au milieu de la grande salle, se frottant la tête avec les mains, comme lorsqu'on veut s'éveiller d'un songe. « Au nom de Dieu, Pitou, » fit-elle les yeux égarés et la voix fiévreuse, « que me disent-ils donc ?»« Mon ami, je ne comprends rien à ce qu'ils me disent. » Peut-être les papiers que notre enfant va vous remettre vous en apprendront-ils davantage, chère Catherine, dit Pitou, et il poussa Isidore du côté de sa mère. Catherine prit les deux papiers des petites mains de l'enfant. Lisez, Catherine, dit Pitou. Catherine ouvrit un des deux papiers au hasard et lut. Je reconnais que le château de Boursonne et les terres indépendantes ont été achetés et payés par moi hier pour le compte de Jacques-Philippe Isidore, fils mineur de mademoiselle Catherine Billot, et que c'est par conséquent à cet enfant que le dit château de Boursonne et les dites terres indépendantes appartiennent en toute propriété. Signé de Lompré, maire de Villers-Cotterêts. Que veut dire cela, Pitou ? Demanda Catherine. Vous devinez bien que je ne comprends pas un mot de tout cela, n'est-ce pas ? Lisez l'autre papier, dit Pitou. Et Catherine, dépliant l'autre papier, lut ce qui suit. Je reconnais que la ferme de Pisseleu et ses dépendances ont été achetées et payées par moi, hier, pour le compte de la citoyenne Anne-Catherine Billot, et que c'est par conséquent à elle que la ferme de Pisseleu et ses dépendances appartiennent en toute propriété. Signé de Lompré, maire de Villers-Cotterêts. « Au nom du ciel !» s'écria Catherine, « dites-moi ce que cela signifie ou je vais devenir folle !»« Cela signifie, dit Pitou, que grâce aux 1550 louis d'or trouvés avant-hier dans le vieux fauteuil de ma tante Angélique, fauteuil que j'ai brisé pour vous chauffer à votre retour de l'enterrement, la terre et le château de Boursonne ne sortiront pas de la famille de Charny, et la ferme et les terres de Pisseleu de la famille Billot. » Et alors Pitou raconta à Catherine ce que nous avons déjà raconté au lecteur. « Oh !» dit Catherine, « et vous avez eu le courage de brûler ce vieux fauteuil, cher Pitou, quand vous aviez 1550 louis pour acheter du bois ?»« Catherine, » dit Pitou, « vous alliez rentrer. Vous eussiez été obligé d'attendre pour vous chauffer que le bois eût été acheté et apporté, et vous eussiez eu froid en attendant. » Catherine ouvrit ses deux bras. Pitou y poussa le petit Isidore. « Oh, toi aussi, cher Pitou !» dit Catherine. Et d'une seule et même étreinte, Catherine pressa sur son cœur son enfant et son mari. « Oh mon Dieu !» murmura Pitou étouffant de joie, et en même temps donnant une dernière larme à la vieille fille. « Quand on pense qu'elle est morte de faim et de froid, pauvre tante Angélique !»« Ma foi !» dit un bon gros charretier à une fraîche et jolie fille de ferme, en lui montrant Pitou et Catherine. « Ma foi, en voilà deux qui ne me paraissent pas destinés à mourir de cette mort-là. » Ainsi s'achève le tome 5e et dernier de La Comtesse de Charny par Alexandre Dumas.